Littérature aujourd'hui avec le prix littéraire Liste Goncourt, le choix de l'Orient qui vient d'être décerné à Beyrouth au Liban à l'occasion du salon du livre francophone. Voyez ce reportage de notre correspondant Wissam Charaf. Pour ce 23e salon du livre, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, en personne, venait appuyer une présence française auprès d'un public arabe toujours demandeur de francophonie. Mais dans une région instable, cette visite, c'est plus qu'un simple geste de courtoisie. Je pense qu'investir dans la culture, investir voilà, comme nous le faisons, dans l'édition, dans la traduction, dans ces salons, dans ces rencontres avec les artistes, avec le public, avec les enfants des écoles qui sont là, je crois que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour la paix dans la région, pour la paix dans le monde. Le salon présente notamment une grande programmation bande dessinée, des événements à destination du public jeune et des rencontres entre auteurs de langue arabe et française. Mais surtout, la France souhaite apporter cette année des mesures de soutien renforcées aux libraires francophones à travers le monde. Des mesures qui pourront largement s'appliquer dans un pays comme le Liban. Le niveau de diffusion du livre français au Liban, compte tenu qu'on est avec une population de 4,5 millions d'habitants, c'est 4 fois plus que vers le Maghreb, par exemple. Les Libanais lisent beaucoup de livres venant de France. Avec un jury étudiant qui a récompensé Gaël Fayet pour son ouvrage Petit Pays, la liste Goncourt Choix de l'Orient se révèle plus que jamais une passerelle d'idées et de points de vue auprès des jeunes des pays de la région. Vous avez 37 jurys d'étudiants qui ont planché, qui ont lu et qui ont échangé ensemble sur des livres de la littérature française. Et c'est ça en fait le phénomène important et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister. En même temps qu'une promotion de la littérature francophone, c'est aussi et surtout une promotion du dialogue interculturel. Au fil des années, ce salon aura su devenir un rendez-vous incontournable des amateurs de lecture de la région. Une région où l'investissement culturel devient chaque jour de plus en plus nécessaire.